Vous avez certainement entendu ces derniers jours, et y compris sur cette antenne, peut-être même dans cette émission, qu'une récente étude publiée dans la revue Nature montrait que jamais le Gulf Stream n'avait été aussi faible depuis plus d'un millénaire. Et avec cette nouvelle, c'est tout l'imaginaire hollywoodien qui débarque le matin avec le café et la tartine dans votre salon. Plus de Gulf Stream, c'est la grande glaciation du Nord, New York, sous les glaces, Saint-Tropez transformé en station de sport d'hiver, et pourquoi pas la faille de San Andreas qui détruit la Californie. Beaucoup d'idées reçues circulent sur le Gulf Stream, l'heure de comprendre précisément ce qu'est ce courant océanique. Gulf Stream, panne de courant, c'est le programme océanique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour tout comprendre du Gulf Stream et tordre le cou aux fantasmes hollywoodiens, nous avons le plaisir de recevoir des scientifiques, des vrais aujourd'hui. Sabina Speich, bonjour. Oui, bonjour, enchanté d'être parmi vous. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez la bienvenue. Vous êtes professeur d'océanographie et de sciences du climat à l'École normale supérieure. Et Pierre Testor, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes océanographe physicien chargé de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat à Sorbonne Université. Mais pour commencer, celui qui vous annonce chaque jour, cette semaine, ce qui va arriver le jour d'après, c'est Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une vaste étude sur les effets de l'ostéopathie dans le traitement des lombalgies. Oui, une équipe de l'hôpital Cochin a mené cette recherche sur 400 patients souffrant de lombalgie et les résultats sont parus dans la revue JAMA le 11 mars. Alors on le rappelle, la lombalgie commune, le mal de dos, peut devenir chronique lorsqu'elle dure plus de 3 mois et avoir un impact négatif sur la vie des personnes qui en souffrent. Dans ce contexte, bon nombre de personnes se tournent vers l'ostéopathie pour régler leurs maux de dos. L'étude en question a donc cherché à évaluer les effets de l'ostéopathie. Les participants ont bénéficié de 6 séances de manipulation ostéopathique ou de 6 séances de manipulation placebo dispensées par des ostéopathes exclusifs, c'est-à-dire non professionnels de santé, à raison d'une séance toutes les 2 semaines pendant 3 mois. Plusieurs critères ont été pris en compte dans cette étude. Le critère d'évaluation principal a été la diminution du retentissement de la lombalgie sur les activités de la vie quotidienne à 3 mois. Les critères de jugement secondaire ont été la douleur, la qualité de vie, le nombre et la durée des arrêts maladie, le nombre d'épisodes de lombalgie et enfin la consommation de médicaments à 3 et à 12 mois. Je cite la conclusion de l'étude. Les manipulations ostéopathiques ont un effet faible et non cliniquement pertinent sur le retentissement de la lombalgie sur les activités de la vie quotidienne à 3 et 12 mois en comparaison aux manipulations placebo. Les manipulations ostéopathiques n'ont pas d'effet sur la douleur, la qualité de vie ou la consommation de médicaments. La pertinence des manipulations ostéopathiques sur des personnes souffrant de lombalgie est donc une nouvelle fois remise en question. Voilà, et ce sera également le thème du sujet des idées claires de la semaine prochaine, mercredi prochain. On abordera cette question avec notamment un des auteurs de cette étude. En attendant, vous pouvez retrouver ses travaux et l'étude dont il est question publiée dans JAMA sur notre fil Twitter, @laméthodefc, sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Un bon rhume pourrait être le début d'une protection contre le Covid-19. C'est ce que suggère une étude menée par une équipe de l'université de Glasgow. Le rhinovirus humain déclenche une réponse immunitaire innée qui semble bloquer la réplication du SARS-CoV-2 dans les cellules des voies respiratoires. Alors il est important de souligner que cette étude a été menée in vitro sur des cellules respiratoires humaines. On est donc encore loin de pouvoir tirer les mêmes conclusions sur des cellules in vivo. De futurs travaux vont être menés pour comprendre comment se déroulent ces interactions entre rhinovirus et coronavirus et essayer de déterminer leur impact sur la transmission de la maladie. Les chercheurs concluent qu'en attendant, la vaccination reste la meilleure méthode de protection contre le Covid-19. Des astronomes ont capturé pour la première fois l'image du champ magnétique, cette fois du trou noir M87. Ouais, on se souvient avec émotion de la première image du trou noir M87 livrée par la collaboration Event Horizon Telescope en 2019. L'image évolue avec cette fois une capture en lumière polarisée de la silhouette du trou noir. Alors, la lumière se polarise lorsqu'elle passe à travers certains filtres, comme les verres de lunettes de soleil polarisés, ou bien lorsqu'elle est émise dans des régions chaudes de l'espace qui sont magnétisées. Les astronomes ont pu améliorer leur observation de la région autour du trou noir M87 en regardant comment la lumière qui en provient est polarisée. Et plus précisément, cette polarisation permet aux astronomes de cartographier les lignes de champ magnétique près du trou noir. Cette nouvelle image offre donc un aperçu de la dynamique du trou noir et elle est essentielle pour comprendre comment il attrape de la matière et émet des jets puissants. Et enfin, un nouveau type de basalte a été découvert sous l'océan Pacifique. Ça se passe au sud du Japon. Les chercheurs de l'université de Leeds ont descendu leurs équipements à 6 km sous la surface de l'océan et ont foré le sol terrestre sur 1,5 km. Ils ont découvert un type de basalte à la composition chimique et minérale jusqu'alors inconnue. Il s'agit d'une toléite, pauvre en titane et en potassium, qui contient des pierres précieuses riches en aluminium qu'on appelle des spinels. Ce nouveau type de basalte aurait été produit par des éruptions volcaniques intenses il y a 1 à 2 millions d'années. Les chercheurs soulignent avec amusement qu'à une époque où l'on part à la découverte des sols d'autres planètes, des découvertes tout aussi intéressantes sont encore à réaliser sur Terre. Merci beaucoup Antoine, vous restez sur Terre avec nous pour le prochain Journal des Sciences de demain. Il est en général invoqué pour expliquer la raison pour laquelle nos côtes occidentales de l'Atlantique bénéficient d'un climat doux et tempéré, tandis que nos voisins d'en face, au Canada et aux États-Unis, bénéficient eux d'un climat plus rigoureux, très froid en hiver et très chaud en été. Pour preuve, eh bien Montréal est sur la même latitude que Royan, juste au-dessous de l'île de Léron. On ne peut pas dire que ce soit exactement le même climat aux deux endroits. Pour expliquer cette différence, donc, on invoque la plupart du temps le Gulf Stream. Or, c'est globalement faux. De même, lorsque cette étude publiée début mars dans la revue Nature Geophysics évoque un ralentissement inédit d'un grand courant marin de l'Atlantique Nord, le raccourci vers l'arrêt du Gulf Stream a été vite fait et mal fait. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, puisqu'on nous a déjà raconté ce qui se passerait si le Gulf Stream s'arrêtait. Eh bien, il se passerait ça. Allô ? Pardon de vous appeler si tôt. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord? Oui. Je crois que c'est ce qui se passe. Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme. Voilà l'horizon de Los Angeles! Cette tornade est passée et a détruit le panneau Hollywood! Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur. Il faut évacuer toute la population qui est au sud de cette ligne. Que fait-on pour la population au nord? Si les gens vont dehors, la tempête les tuera. C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York! Dépêche! Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier. Voilà, vous avez certainement, peut-être, si vous ne l'avez pas reconnu d'ailleurs, c'est peut-être pas plus grave que ça, reconnu donc la bande-annonce du film Le jour d'après de Roland Emmerich, film de 2004 qui part du principe que tout commence par l'arrêt du Gulf Stream. Or, on peut tout de suite rétablir une chose, d'ores et déjà, le Gulf Stream n'est pas prêt de s'arrêter et il ne s'arrêtera sans doute jamais, Pierre Testor. Ah, eh bien, on a perdu Pierre Testor, qu'on va essayer de retrouver. Alors, je vais vous poser la même question, Sabrina Spy. Alors, donc, les Gulf Stream en soi-même, c'est on a un courant de surface, mais on appelle des surfaces quelque chose qui est dans les premiers 1000 mètres de l'océan, donc c'est pas vraiment de la toute surface, mais il est forcé par les vents. Donc, les vents, on a des vents d'ouest à nos latitudes, il y a les alizés à plus basse latitude, ces systèmes de vents qui existent un peu dans tous les océans, et met en force donc des courants de surface, et donc au niveau de l'Atlantique Nord, ces courants qui est renforcé sur les bords ouest, donc près des États-Unis, s'appelle Gulf Stream. Et donc les vents, ils seront toujours là, donc le Gulf Stream, il sera toujours là, peu importe ce qui se passe au niveau du changement climatique. Est-ce que vous voulez qu'il... Alors, c'est-à-dire que oui, non, mais c'est important de le dire, parce qu'on a vraiment lu pas mal d'âneries à ce propos, donc c'est bien de le rétablir. Pour que le Gulf Stream s'arrête, en fait, il faudrait que la Terre s'arrête, ce qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc le Gulf Stream, tant qu'il y aura un mouvement atmosphérique, continuera à exister. Comment est-ce que vous expliquez, Sabrina Speich, qu'il y ait autant d'idées reçues fausses à propos de ce Gulf Stream? Je pense que très peu de personne connaissent vraiment qu'est-ce que sont les courants marins, et les Gulf Stream, c'est peut-être dans tous les cas pour les pays au bord de l'Atlantique, c'est sûrement les courants les plus connus. Et donc, ils comptent Au fond, on peut, ce qui se passe, et c'est complexe aussi à comprendre, ce qui se passe entre les Gulf Stream et ce qui se passe en Arctique ou dans la mer des Labrador. Et donc, dans les Gulf Stream, au milieu de ces Gulf Stream, il y a aussi de l'eau qui va vers l'Arctique pour combler les départs d'où nos eaux denses en profondeur. Et comme l'océan, c'est au milieu continu, quand il y a de l'eau qui part d'un endroit, il faut que de l'autre eau aille la colmater ses vide. Et donc, à l'intérieur du Gulf Stream, il y a une partie de ces courants qui, ensuite, continuent vers le nord, avec la dérive nord-atlantique et les courants norvégiens, et entrent en Arctique. On va repréciser tout ça, Sabrina Speich, hein, on va vraiment bien décrire ce qu'est exactement ce Gulf Stream, et on va voir que, effectivement, on lui prête beaucoup de choses qui sont, en fait, pas exactement le Gulf Stream, et qu'on confond pas mal de choses. On a retrouvé Pierre Testor, je vais vous reposer à peu près la même question. On a dit que le Gulf Stream ne s'arrêterait pas puisqu'il est lié au courant atmosphérique et au vent, donc à la surface de l'océan. Mais comment est-ce que vous vous expliquez de votre côté, en tant qu'océanographe, le fait qu'il y ait autant de fausses idées reçues sur ce courant atlantique ? Eh bien, c'est assez simple. Le Gulf Stream, comme l'a dit Sabrina, est un courant très, très connu, entre guillemets. Et on lui attribue beaucoup de choses qui sont en fait dues à un système de courant beaucoup plus complexe qui inclut aussi des courants profonds qui viennent effectivement du phénomène de formation d'eau qui se passe dans les mers subarctiques et arctiques. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement, le tapis roulant. Le tapis roulant. Le tapis roulant. En anglais, conveyor belt. La traduction n'est pas forcément très heureuse en français, mais c'est une sorte de système de courant qui va amener des eaux chaudes des basses latitudes vers les hautes latitudes et des eaux froides en profondeur des hautes latitudes vers les basses latitudes. On va bien décrire hein, tous ces courants marins, on va reparler de tout cela. J'aimerais aussi préciser, qu'on précise immédiatement quelque chose, puisque on en a parlé ici d'ailleurs dans le Journal des Sciences, hein, de cette étude publiée début mars dans Nature Geoscience. On a pu lire là aussi des vulgarisations un peu rapides et parfois un peu maladroites de cette étude. Ce que dit cette étude, c'est qu'elle ne parle pas du ralentissement du Gulf Stream, mais d'un autre courant qui s'appelle l'AMOC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la différence, est-ce qu'il y a des points communs, des points de convergence, et ce que dit grosso modo cette étude, Sabrina Speich? Oui, donc l'AMOC, c'est le nom scientifique de ce tapis roulant. Donc, c'est cette étude qui veut remonter à la variabilité de ces tapis roulants sur les derniers millénaires, prend des mesures, des observations faites d'ailleurs par ce qu'on appelle méthode des proxys, parce qu'on n'avait pas des thermomètres il y a 1000 ans dans l'eau et dans l'océan. Donc, il prend des variables qui sont mesurées aujourd'hui et des proxys qui remontent à ces variables, donc notamment la température des surfaces de l'océan ou d'autres types de variables pour remonter à l'intensité de ces courants. Et donc, il montre qu'à partir du 19e siècle, ces courants, selon cette étude, devraient diminuer. Mais le problème, c'est que ce sont des variables qui ne mesurent pas directement ces courants. Et quand, aujourd'hui, on en parlera, on mesure directement ces courants, on ne peut pas remonter avec ces mesures directes plus de 25 ans aujourd'hui, mais on voit beaucoup de variabilités qui est de la variabilité naturelle, et donc c'est ce qui nous a surpris, parce qu'on ne pensait pas que ce type de courant pouvait avoir autant de variabilités, mais on ne voit pas clairement une tendance aujourd'hui à partir de ces mesures directes. Donc il n'y a pas vraiment un accord entre cette étude ou d'autres qui ont été publiées avec ces ralentissements de l'AMOC et les mesures directes de ces courants faites par des courantomètres, et voilà. Et un mot, Pierre Testor, sur le Gulf Stream. Le Gulf Stream, pour le moment, il ne donne a priori pas de signe de ralentissement immédiat, ou en tout cas pas dans les dernières décennies. Il est plutôt stable. et nous avons perdu Pierre Testor à nouveau. Je crois que la liaison est un peu difficile. Alors je vous repose la question, Sabrina Spech. On va parler un peu plus ensemble, ce qui me convient très bien par ailleurs, je vous en prie. Non, oui, donc non, les courants, il est stable. Donc on a comme dans les séries temporelles de n'importe quelle variable climatique. Donc si vous prenez aussi la température de l'air, elle varie naturellement. Il y a le cycle diurne, il y a des années plus chaudes et des années plus froides. Et c'est pareil pour les Gulf Stream. D'ailleurs, si vous regardez des animations faites par satellite, donc de la surface de ces courants qui aujourd'hui existent, par exemple, il y a des belles animations de la NASA, bah, vous vous rendez compte que ces turbulences, ce n'est pas un fleuve tranquille, mais c'est une jet très turbulent. Donc, il y a des tourbillons, des vortex, des filaments. Donc, il y a cette variabilité qui est très naturelle, à laquelle s'ajoutent peut-être des années avec un peu plus de vent, un peu moins de vent. Et donc, il y a une variabilité vraiment très, très différentes, très, très importantes, mais on ne voit pas des nettes diminutions de ces courants aujourd'hui. Du Gulf Stream en l'occurrence. On va reparler dans la deuxième partie, donc après 16h30, de l'effet du réchauffement climatique, de la fonte des glaces sur ces courants océaniques et sur le Gulf Stream à proprement parler en particulier. Mais avant cela, on va évidemment s'intéresser au Gulf Stream pour essayer de comprendre exactement ce qu'est ce courant atlantique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc du Gulf Stream en compagnie de Sabrina Speich et de Pierre Testor. Je vais vous poser une question simple, vous y avez répondu partiellement, mais pour essayer de le synthétiser, comment est-ce qu'on définit, Pierre Testor, le Gulf Stream? Qu'est-ce que c'est que ce courant chaud que tout le monde connaît? Où va-t-il? Quelle est sa profondeur? Quelle est sa largeur? Essayez de nous donner des éléments, une petite fiche d'identité si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, on va en parler un peu comme un animal, dont c'est un courant, ce qu'on appelle un courant de bord ouest. C'est une circulation de retour de toute la circulation qui se passe dans l'Atlantique subtropical, qui est forcée par des vents d'ouest et les alizés, qui fait une circulation anticyclonique à l'échelle du bassin en entier. Et qui se retrouve à devoir, par un effet de compensation, à créer un courant très très puissant le long du côté des États-Unis. Alors le Gulf Stream, c'est un courant très puissant, hein, c'est plusieurs mètres par seconde. C'est combien exactement pour, est-ce que vous pouvez nous donner une approximation, en tout cas une mesure comparative, qu'on se rende compte de la force de ce courant? Alors c'est en surface 1 ou 2 mètres par seconde, ça s'étend quasiment jusqu'à 1000 mètres de profondeur. C'est un débit phénoménal, hein. C'est 30 fois toutes les rivières du monde. Ce sont des 30 millions de mètres cubes par seconde, ça représente un débit phénoménal. Donc il est très puissant, il fait à peu près une centaine de kilomètres de large, et il est très instable. Et surtout quand il se détache de la côte des États-Unis au cap Hatteras, il est très fluctuant, génère de nombreux tourbillons. Les tourbillons, ce qu'on appelle les anneaux du Gulf Stream. Par exemple, donc le volume d'eau concerné par un seul de ces tourbillons, c'est plusieurs mètres d'eau sur toute la France. Vous voyez les quantités phénoménales qui sont en jeu, d'énergie, de matière. Et on va voir évidemment le rôle que ça peut avoir, pas uniquement sur le climat, évidemment aussi sur la faune océanique. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, c'est Ponce de León qui le découvre, en tout cas qui en témoigne en premier, parce que concrètement, ça empêche ces bateaux d'avancer au moment de ces voyages vers l'Amérique du Nord. Pierre Testor. Exactement, oui, c'est lui le premier, sans l'avoir nommé Gulf Stream, qui a noté qu'il y avait des courants qui l'empêchaient, qui faisaient reculer ses bateaux malgré le vent. Et qu'il a noté ça, le premier en 1513. En 1513, oui, c'est Ponce de León qui découvre la Floride à l'époque. Sabrina Speich, donc est-ce que si on pouvait peut-être placer quelques repères géographiques sur cette grande boucle qui en fait est-ce qu'on peut la résumer un peu comme vient de le faire Pierre Testor en disant que c'est le courant qui est provoqué par l'anticyclone des Açores et qui tourne en fait dans le même sens que ce grand anticyclone qui est souvent au niveau de ces îles du milieu de l'Atlantique? Oui, oui, et donc il est mis en mouvement par cet anticyclone, donc avec des vents d'ouest qui arrivent justement sur la France à la latitude de Paris et les alizés plus au sud. Et donc cette Gulf Stream prend l'origine dans la mer des Caraïbes et dans les golfes du Mexique, et où il prend de l'eau chaude des tropiques et il l'amène vers le nord, le long du continent américain. Ensuite, à Cap Hatteras, il se détache du continent et il continue vers l'ouest, comme des rives nord-atlantique et courant des Canaries. Donc, les courants des Canaries, il arrive sur l'Europe et donc les Canaries. Et vraiment, vraiment, c'est le tout sud de l'Espagne et il passe entre les Canaries et la côte marocaine. C'est-à-dire oui, que vraiment. C'est assez important de se le représenter parce qu'on se dit souvent que le Gulf Stream il arrive et que il baigne la côte atlantique de la France, etc. Pas du tout. C'est vraiment, on est beaucoup beaucoup plus au sud et vraiment tout au sud du Portugal. Alors, pour être précis, donc les Gulf Stream ici divisent un peu en deux. Et la grosse partie, elle continue comme courant des Canaries et il arrive sur les continents, près du continent africain. Mais il y a une petite partie, celle qui participe à cette tapis roulant à la MOC, qui part en tant que dérive nord-atlantique et alimente les courants norvégiens. Donc, il part vers le nord, vers l'Arctique. Cependant, il passe au large du Royaume-Uni et pas vraiment sur nos côtes. Bien sûr. Comment est-ce qu'on explique, Sabrina Speich, que moi il me semble même qu'on m'a enseigné à l'école que c'est le Gulf Stream qui rendait le climat ouest européen aussi doux, alors que manifestement le Gulf Stream n'est pas le seul responsable de la tempérance de nos températures et de nos saisons. Alors tout d'abord, l'effet d'avoir un océan au milieu entre les continents américains et l'Europe, c'est lui qui réchauffe l'air, on va dire. C'est cette air qui est très froide sur les continents américains. Elle passe sur l'océan qui est toujours plus chaud, surtout en hiver, par rapport au vent froid du continent américain. Donc, pendant les trajets, l'air se réchauffe, mais juste parce qu'il y a un océan en dessous. Et d'ailleurs, il acquiert aussi de l'humidité et donc arrive les temps humides marins qu'on reçoit sur la Bretagne, etc., jusqu'à Paris. Et donc, il y a des études qui ont montré, en enlevant les Gulf Stream artificiellement dans un modèle, qu'effectivement, ça suffisait d'avoir un océan pour réchauffer cette masse d'air. Naturellement, les Gulf Stream, et surtout la dérive nord-atlantique et donc les courants norvégiens, ils amènent de la chaleur. C'est un courant chaud et il reste chaud pendant longtemps. Et cette particule d'eau, ils peuvent mettre des mois, voire des années à arriver jusqu'au large de la Norvège et de l'Arctique. Mais il continue à réchauffer d'une part l'air localement, mais aussi transporter de la chaleur. Donc l'effet du Gulf Stream, peut-être c'est aussi de réchauffer l'atmosphère en général, mais surtout les nords de l'Europe et la partie plus arctique plutôt que nos côtes. Mais néanmoins cette chaleur, d'ailleurs c'est intéressant quand on dit que le Gulf Stream est un courant chaud, on parle de quelle température précisément, Pierre Testor? Ça dépend où est-ce qu'on le mesure. Évidemment, quelle est la fourchette de la Floride? C'est de l'ordre de 28 degrés en surface, on va dire. Et puis ça se refroidit au fur et à mesure jusqu'à arriver dans les latitudes tempérées, à une fourchette entre, disons, 10 et 20 degrés, 25 degrés en surface, sur nos côtes. Donc, il y a une transition entre ces eaux tropicales qui sont assez stables, on va dire, jusqu'à nos latitudes et plus au nord. Où elles sont encore plus refroidies, quoi. Mais toujours, comme l'a dit Sabrina, toujours plus chaude que l'air ambiant. Donc effectivement, le Gulf Stream ne réchauffe pas directement nos latitudes. En tout cas, en grande partie, c'est plutôt l'air qui survole survole l'océan, qui va faire que notre climat en Europe est plus tempéré, on va dire, que ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a une contribution indirecte, terre, et surtout, certainement plus prononcée, plus on va vers le nord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le Gulf Stream, on estime qu'il contribue de la même façon, d'ailleurs, à peu près dans les mêmes proportions, en tout cas, à réchauffer les deux côtes, les deux côtés de l'Atlantique, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Si on veut expliquer, Sabrina Speich, la différence de climat aux mêmes latitudes entre la côte est des États-Unis et la côte ouest de l'Europe, il faut du coup considérer d'autres choses que les courants océaniques, mais une conservation du mouvement cinétique des masses d'air qui nous vient des États-Unis. C'est-à-dire que si je résumais vraiment à très très gros traits, si on a de l'air plus doux et des températures plus douces en Europe, c'est en grande partie grâce plutôt aux montagnes rocheuses du milieu des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? C'est simplement, moi je pense que c'est surtout dû au fait que l'air, donc l'air qui arrive sur les continents américains, c'est latitude, et qui on va dire a perdu la chaleur qu'il avait acquis dans les tropiques, et c'est asséché. Donc côté américain, il est sec, il est froid parce que l'air perd rapidement cette chaleur, et ensuite quand il vit vers l'ouest et il rencontre l'océan, et là tout de suite il se réchauffe par contact, et aussi les vents, ils soufflent, donc il fait évaporer de l'eau, et cette évaporation d'eau donc a fait acquérir de l'humidité, et donc et au fur et à mesure de sa traversée il continue à se réchauffer, et c'est ça la différence. Donc la circulation sur le continent américain fait qu'ils ne sont pas vraiment l'influence directe locale de ces courants véhiculés par l'océan, parce que justement toute l'influence du Pacifique, elle est bloquée de l'autre côté du continent américain. Par ces montagnes. Par ces montagnes rocheuses. Un mot justement là-dessus sur ce qui explique et les raisons qui permettent d'expliquer, donc non océanique, hein, entre guillemets, les différences de climat entre ces deux côtes est et ouest. Pierre Testor. Oui, pardon. Disons que, alors, je pense qu'il faut, là-dessus, donc, effectivement, ce qu'a dit Sabrina est correct. Il faut aussi se dire, voilà, donc, s'il n'y avait pas de montagnes, on aurait des vents d'ouest très stables, localisés à une latitude moyenne qui serait constante. Malheureusement, heureusement, on a des montagnes. C'est des gros massifs montagneux qui sont les Rocheuses aux États-Unis et l'Himalaya en Asie, ont un effet qui est permanent, parce que les montagnes ne bougent pas beaucoup. C'est peu. À l'échelle humaine, en tout cas. En gros, quand l'air remonte à cause des montagnes, et du fait de rotation de la Terre, il est un peu dévié sur la droite après les montagnes. Et c'est établi une sorte de fluctuation qui est due à ces montagnes, et qui fait que l'air, après les Rocheuses, descend un peu vers le sud et remonte vers l'Europe, d'une manière quasiment stationnaire. Là-dessus, bien sûr, il y a plein de fluctuations, et c'est ça qui va faire, quelque part, que l'Europe ait un climat plus doux, mais aussi parce que cet air-là souffre sur des océans qui sont chauds. Un mot, on le disait également, le Gulf Stream a évidemment son importance, et une importance cruciale sur la répartition et l'organisation des ressources vivantes, Sabrina Speich. Oui, donc les courants bougeants, et dans tous les cas, ils transportent aussi de la matière vivante, donc du phytoplancton, du zooplancton, mais aussi donc des larves, des poissons. Et justement, il y a eu des études par les passés qui ont montré que des larves des anguilles qui ont retrouvé en Europe sont originaires donc de la mer des Sargasses. Et donc ils ont voyagé pendant des mois et ils sont arrivés jusqu'à l'Europe. Et ça a été prouvé vraiment scientifiquement ces dernières années par des études qui ont suivi les particules d'eau de ces courants. Donc, les courants, effectivement, donc la biosphère marine, elle est vraiment sensible à la dynamique océanique et aussi aux températures naturellement de l'océan, parce que comme aussi sur la biosphère terrestre, pas toutes les plantes vivent à toutes les températures. Donc l'océan et sa dynamique, vraiment, ils ont un rôle fondamental sur la biosphère marine, sur les mondes vivants marins. Pierre Testor, à ce propos ? Oui, effectivement, il y a un aspect important qui est que le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est le phytoplancton. Et ce phytoplancton se développe à la lumière, donc dans la couche superficielle de l'océan, hein, puisque en dessous de 100 mètres, globalement, l'océan est tout noir. Il faut de la lumière et des nutriments. Et les nutriments sont vite consommés, mais sont injectés en permanence par des phénomènes océaniques de mouvements verticaux et qui sont liés, qui sont plus intenses encore quand le courant est très fort et le Gulf Stream est très instable, développe ses mouvements verticaux très forts et participe à injecter des nutriments dans la couche de surface où le phytoplancton peut en profiter. On va continuer à parler de ce Gulf Stream. Je vous précise que nous avions consacré déjà une émission entière au courant océanique au sens général. Donc on avait parlé de circulation thermohaline, de tapis roulant, où on avait expliqué les différences de gradient, de salinité. Donc c'est pour ça qu'on ne revient pas exactement là-dessus. On vous met bien sûr, comme d'habitude, le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. On va continuer à parler spécifiquement du Gulf Stream et puis on va parler évidemment du réchauffement climatique, du lien que les deux entretiennent et puis de ses conséquences. Yeah, du rock énergétique à 16h33 sur France Culture du groupe Stoner Buds. Nous parlons du Gulf Stream tout au long de cette heure en compagnie de Sabrina Speich, qui est professeure d'océanographie de sciences du climat à l'École Normale Supérieure, et Pierre Testor, qui est océanographe physicien chargé de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat à Sorbonne Université. Mais comme tous les mercredis, vous en avez l'habitude maintenant, à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'École doctorale des sciences et de la mer et du littoral. Vous travaillez sur la modélisation stratigraphique de l'impact des courants tidaux et marins, application aux enregistrements sédimentaires holocène de la rade de Brest. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors, merci à vous pour cette invitation ainsi que cette introduction. Donc, je tiens également à préciser que je suis cofinancé par l'IFREMER, donc l'Institut français pour l'exploitation des sondes dans la mer, ainsi que l'ISPEN, donc l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle. Donc, comme vous venez de le dire, je travaille sur le sujet intitulé « Modélisation stratigraphique de l'impact des courants tidaux et marins avec une application aux enregistrements sédimentaires holocènes de la rade de Brest ». Alors, j'en conviens, c'est pas très digeste, mais si on simplifie, Mon objectif est de comprendre et représenter l'impact de la marée sur le dépôt des couches sédimentaires. Donc sur le long terme, sur de longues périodes de temps. Donc ici, ce sera les 8 derniers milliers d'années. Et mon chantier, mon terrain d'étude, c'est la rade de Brest. Alors bien souvent, les applications de la géologie ou encore l'océanographie sont souvent indirectes, voire mal comprises par la société. Donc comme par exemple l'atténuation du Gulf Stream. Donc vous vous posez certainement la question, mais pourquoi il fait ça et à quoi ça nous sert? Alors il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Et tout d'abord, ce serait une grande avancée donc dans le secteur énergétique, car par exemple les réservoirs pétroliers saoudiens, donc qui ont fait la fortune de ce pays, sont d'anciens domaines côtiers sculptés par les houles et les marées. Donc ça permettrait de diminuer les acquisitions de données classiques, forage, sismique, etc., qui coûtent une fortune. D'un point de vue purement académique, ça représenterait également une grande avancée, car les estuaires sont à l'interface entre les continents et les océans. Ils régulent les apports de sédiments issus de l'érosion de nos montagnes vers les bassins océaniques. Et enfin, dernier point d'intérêt, c'est de comprendre le passé va nous permettre donc de prédire l'évolution de ces marées dans le futur. Tout comme il est utile d'avoir les prédictions de Météo France pour partir en week-end, pouvoir simuler comment va évoluer la dynamique tidale dans ce contexte de réchauffement climatique serait d'un grand intérêt pour notre gestion du littoral. Alors je vais maintenant vous expliquer la stratégie mise en place pour cette étude et son contexte. Donc à l'heure actuelle, les océanographes et les géologues ont développé deux méthodologies différentes pour simuler les dépôts sédimentaires. Les modèles hydrodynamiques pour les océanographes et les modèles stratigraphiques pour les géologues. Alors les modélisations hydrodynamiques sont basées sur la résolution du processus physique, c'est-à-dire la dynamique des fluides. Ce sont donc des processus rapides qui sont simulés, comme par exemple en France, la marée, c'est 2 fois par jour et le niveau bouge rapidement. Donc j'ai pas de temps de calcul, ces modèles sont courts et imposent donc une portée temporelle assez faible, de 10 voire 100 ans. De l'autre côté, les géologues, quant à eux, se basent sur la résultante de tous les processus pris en compte, c'est-à-dire la quantité de sédiments déposés par dizaines de milliers, voire millions d'années, en fonction du climat et de la tectonique principalement. Donc impossible de prendre en compte la marée, car on ne connaît pas l'effet de 20 000 ou encore 200 000 marées sur les sédiments. Et les données de marée les plus anciennes datent d'il y a 300 ans au port de Brest. Donc l'idée, ou plutôt la méthodologie mise en place pour comprendre et représenter ces marées, donc ces marées passées, repose sur les deux disciplines. Je vais d'abord utiliser les enregistrements sédimentaires de la rade de Brest pour identifier les grands changements dans les dynamiques de dépôt. Or, on sait que la rade de Brest est protégée par sa faible ouverture sur la mer d'Iroise des houles océaniques. Donc, seules les marées sont responsables de ces grands changements. Donc, grâce à mes données sédimentaires, je vais recréer les bathymétries du fond, c'est-à-dire la morphologie du fond de la rade de Brest à chaque époque qui m'intéresse, ainsi que le niveau marin avec la littérature. Et ensuite, je simule la marée et son effet sur les sédiments dans ces palais environnements avec un modèle hydrodynamique. Donc, cela m'a permis de corréler les déplacements des courants de marée avec les changements paléo-environnementaux. Et cela me permet également d'obtenir les données dont j'ai besoin pour paramétrer un module de courant marin, plus précisément de courant de marée, à un modèle stratigraphique, et ainsi simuler un processus de fine échelle de la marée dans un modèle géologique de longue échelle de temps. Merci à vous. Mais merci beaucoup à vous, Mathieu Olivier, d'être venu nous présenter vos travaux. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Pierre Testor ? Oui, bah c'est effectivement, ça fait partie des enjeux qui sont liés à l'observation fine des océans. Hein. Il y a beaucoup d'applications qui sont liées à notre connaissance des courants marins et c'en est une importante parmi d'autres aussi. Sabrina Spice, peut-être un mot pour élargir un peu ce sujet de recherche autour de la modélisation des courants marins. Parce que comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il y a 1000 ans, on n'avait pas de thermomètre pour prendre les courants ni les vitesses de débit océanique. Comment ces données-là in situ, finalement, on les a depuis très peu de temps, depuis, vous allez me le dire, mais pour certaines, depuis une vingtaine d'années, parfois un peu plus. Comment est-ce qu'on reconstitue entre les données in situ et puis, comme on va parler un peu de l'évolution dans le passé et dans le futur, justement de ces courants, eh bien dans le passé et dans le futur. Oui, donc en termes d'observation, on utilise des méthodes de proxy et qui sont utilisées d'ailleurs aussi pour chercher à comprendre les variations donc passées du CO2 et du niveau de la mer, etc. à partir des calottes glaciaires, par exemple. Donc dans l'océan, c'est un peu pareil. On utilise différents types de variables pour construire ces proxys. Donc notamment, on n'avait pas des mesures des températures des surfaces de la mer, donc on utilise des populations microscopiques qui sont dans les sédiments marins pour chercher de remonter à les températures, parce qu'on sait que certaines variétés ne vivent pas à des températures froides mais à des températures chaudes et vice-versa. Et après, il y a la modélisation. Donc, on utilise des modèles numériques comme celles qu'on utilise pour les temps actuels. Par exemple, dans les prévisions de courant, il existe des modèles numériques des prévisions de courant. Mais on applique donc des forçants qu'on pense exister dans les passés, donc les vents notamment, les rayonnements solaires, et forcés par ces types de forçages, peut-être avec des structures des bassins un peu différentes, parce que selon l'époque qu'on regarde par les passés, aussi les structures continentales et les niveaux marins ont changé. Donc, par exemple, pour les marées, c'est très important la géométrie d'un bassin, parce qu'il peut amplifier au pas les niveaux de la mer dus à la marée. Et donc, on en fait des hypothèses sur ces forçants dans les passés pour chercher de voir comme pouvaient être les courants ou la dynamique océanique ou la température, les transports des chaleurs, etc. dans les passés. Et pour les valider, on utilise donc, on croise ces modélisations numériques et ces variables reconstituées par des proxys là où il y en a, donc là où on fait par exemple des carottes sédimentaires dans l'océan. Et parce que c'est pas partout, c'est très compliqué d'en faire, il faut déjà des sédiments. Et on cherche donc de valider cette simulation du passé pour apprendre ce qui s'est passé dans les passés par rapport à ce qui se passera dans les futurs. Et d'ailleurs, tous les rapports du GIEC, ils ont toujours un chapitre sur l'évolution passée du climat et la transition vers l'époque moderne et les futurs. Donc c'est vraiment une science continue dans les temps, cherche de comprendre le passé pour voir l'évolution future aussi par rapport à ses passés. Bien sûr, et puis c'est en connaissant ce passé grâce à ces modèles que l'on peut estimer l'ampleur des changements qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle et qui risquent de survenir dans le futur, notamment suite évidemment au réchauffement climatique, à la fonte des glaces, à la modification des équilibres océaniques. C'est ce dont nous allons parler maintenant, et notamment pour comprendre les conséquences de ces changements de température sur la situation océanique. Et bien, Céline Lozette, vous êtes rendue au laboratoire L'Océan à Sorbonne Université. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Oui, effectivement, l'océan n'est pas une masse inerte, mais un système dynamique animé par ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Cette circulation est essentielle dans l'équilibre global puisqu'il assure un bon brassage des différentes couches de l'océan et sert aussi à réguler le climat dans certaines régions. Le problème, c'est que cette dynamique est perturbée par le réchauffement climatique qui forme une sorte de couche opaque qui tend l'océan à rompre ce mouvement naturel. C'est ce que montre une étude qui est sur le point d'être publiée dans Nature. Jean-Baptiste Salier, qui en est un des auteurs, a criblé avec son équipe un très grand nombre de mesures sur les dernières décennies et qui donne l'alerte sur l'érosion de ce phénomène précieux de thermostat global. L'océan, en fait, il faut bien comprendre qu'il est structuré un peu en couches, un peu comme un millefeuille, avec une couche de surface qui est en contact avec l'atmosphère. Et puis avec des profondeurs océaniques qui sont isolées de l'atmosphère. Et entre cette surface et ces profondeurs, il y a une couche qui est une sorte de barrière pour les mélanges et pour les échanges de chaleur, de carbone et d'autres gaz. Et donc on voulait savoir à quel point cette barrière pouvait être en train de changer. Et donc c'est ce qu'on a regardé avec l'ensemble de ces observations du passé depuis en gros 50 ans. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on sait que l'océan, c'est pas une masse inerte, mais c'est vraiment, il est animé d'une certaine dynamique. Et ce que vous avez pu constater, c'est que cette dynamique subit un ralentissement ou est altérée d'une certaine manière. Ouais, donc voilà, donc l'océan, il est en effet animé d'une certaine dynamique, avec notamment des circulations comme la circulation de l'Atlantique Nord, la MOC, qui va prendre. La circulation thermohaline. La circulation thermohaline, tout à fait, qui est principalement en Atlantique Nord et dans l'océan Austral, autour de l'Antarctique, au pôle Sud. où en fait des eaux de surface vont plonger dans les profondeurs et donc donner à l'océan un rôle très important pour le climat. Et donc ce qu'on voulait savoir, c'est à quel point ces circulations pouvaient être altérées par un océan qui devient plus stable. Et donc on a été chercher l'ensemble des observations pour remonter le plus loin dans le passé et regarder dans chaque région de l'océan du globe à quel point la structure de l'océan est en train de changer. Parmi les paramètres qui influent sur cette stabilité en train de s'instaurer, on parle beaucoup de la salinité, de la densité. Qu'est-ce qui vraiment agit au cœur de cette stabilisation selon vos études ? Alors, ce qui rend l'océan plus stable, c'est qu'en fait, la surface de l'océan va s'alléger. C'est un peu comme une couche d'eau sur de l'huile, où on va avoir deux couches qui vont se découpler de plus en plus. Et ce qui rend l'eau de surface plus légère, moins dense, c'est d'une part les réchauffements, mais ça c'est en particulier dans les tropiques, les subtropiques, et haute latitude, donc plus vers les pôles, c'est vraiment la salinité qui a un rôle important pour la densité de l'eau. Et une baisse de salinité. C'est une baisse de salinité aux hautes latitudes, qui est due à plusieurs choses, la fonte des calottes polaires, mais également l'intensification de ce qu'on appelle le cycle hydrologique, donc les précipitations, en fait, des régions d'évaporation qui évaporent plus et des régions de précipitation, typiquement haute latitude, où il y a plus de précipitations, plus de pluie, qui va adoucir la surface de l'océan. On sait que ces processus dans un monde sous changement climatique vont changer, donc typiquement ce découplage de la surface avec les profondeurs, un mécanisme qu'on comprend très bien, qu'on commence à voir dans les observations, Et ça, on comprend très bien que ça va ralentir la circulation thermohaline. Et donc, ça va avoir un petit effet sur le Gulf Stream. On va avoir tendance à ralentir un tout petit peu le Gulf Stream. Mais la plupart du Gulf Stream qui est associé à la rotation de la Terre et au vent, celle-là, elle va pas changer. Alors, en fait, donc ce schéma, en fait, il a pour objectif de montrer vraiment la structure de l'océan en trois couches distinctes, enfin, deux principales couches et puis une barrière au milieu. Donc, une couche de surface qui est en contact avec l'atmosphère, dans laquelle la majorité de la biodiversité marine vit, et un océan profond, isolé de l'atmosphère. Et avec une barrière au milieu, là, qui est représentée en rouge ici. Alors, il faut bien s'imaginer, ce n'est pas une barrière nette, bien horizontale, hein, elle est un peu mouvante. Mais... Tout à fait, c'est une barrière qui est dynamique, qui bouge dans le temps et dans l'espace. Et donc, on a l'océan a de plus en plus de mal à propager les signaux climatiques depuis la surface vers les profondeurs ou depuis les profondeurs vers la surface. Cette barrière, elle se situe à quel niveau de profondeur vous... Elle se situe autour d'une centaine de mètres, en gros. Donc ça veut dire que si on se mettait sur le terrain et si on plongeait, on pourrait vraiment constater une différence de température avec des capteurs ou des instruments, des sondes, on pourrait vraiment voir une différence autour de ces 500 mètres. C'est exactement ce qu'on a fait. On a utilisé des capteurs qui sont allés dans l'eau. Tout ça, c'est basé sur des observations. Et on voit cette différence sur nos mesures. Après, si vous allez vous baigner à la fin de la semaine et que vous comparez à votre baignade dans les années 70, très certainement, vous ne verrez pas la différence parce que c'est assez fin. Mais en termes de dynamique océanique et de dynamique climatique, ça a un impact important. Alors, quelles sont les conséquences de ce phénomène que vous avez pu mettre en évidence ? Le découplage de la surface avec les profondeurs, ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est que ça tend à moins mélanger l'océan, donc à désoxygéner l'océan. L'océan devient de moins en moins oxygéné. Et ça a des conséquences pour la biodiversité dans l'intérieur de l'océan. Ce qu'on commence à voir également, c'est que on a un découplage de la surface avec des profondeurs, comme je le disais, mais on a aussi une couche de surface qui vient plus épaisse. Parce qu'en fait, les vents sur la surface de la planète associées au changement climatique s'intensifient. Et donc, une couche de surface plus épaisse, ça veut dire que la biodiversité dans la couche de surface a potentiellement moins accès à la lumière. Et donc, ça peut poser un problème à la production primaire. C'est des questions vraiment qu'on se pose. C'est à quel point l'accès à la lumière peut impacter la biodiversité dans la couche de surface. Voilà le reportage du jour dans ce laboratoire L'Océan à Sorbonne Université. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Testor ? Ah oui, je voudrais souligner le fait, effectivement, c'est C'est le poumon de l'océan, ce phénomène de formation d'eau, hein, le mélange qui est fait dans les hautes latitudes des eaux de surface, parce que avec le forçage atmosphérique, les eaux de surface deviennent plus froides, s'évaporent, donc deviennent plus denses, et elles plongent. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement important. C'est vraiment le poumon de l'océan. C'est lui qui fait que il arrive à transférer des signaux climatiques vers l'océan profond et à déconnecter ces signaux de l'atmosphère. Hein. Je voudrais rappeler que c'est depuis le début de l'ère industrielle, 90% du réchauffement de la Terre se situe dans l'océan, hein, et pas dans l'atmosphère. C'est 10% dans l'atmosphère à peu près. Et 90%, c'est dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan capte la chaleur de l'atmosphère pour avoir... Il a un effet de tampon très important pour le climat. Et à force de tamponner, il commence à ralentir sa capacité, enfin à réduire sa capacité à absorber ces signaux. Et ça, c'est assez désastreux pour le climat. Alors, il y a effectivement plusieurs choses à l'œuvre. Hein. Il y a l'absorption que vous venez d'écrire de la température atmosphérique, cette même hausse des températures qui fait fondre la calotte glaciaire. Pour le moment, on va parler de celle de l'Arctique, qui donc injecte de l'eau plus froide dans l'océan. Donc tout ça, effectivement, perturbe les équilibres que l'on a pu décrire. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on mesure concrètement, pour revenir au Gulf Stream, Sabrina Speich, de ces modifications d'équilibre? Est-ce que, malgré la relative stabilité que l'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de perceptible? Donc, les Gulf Stream, il s'est déplacé un petit peu en position, donc il vire un peu plus au nord qu'auparavant. Donc, c'est un peu toute la structure qui est en train de changer, mais encore en termes de vitesse, ce n'est pas des transports, ce n'est pas... Il n'y a pas vraiment une observation de cet changement qui est détectable à partir de la série temporelle que nous avons. Cependant, il est vrai que l'océan, donc, il absorbe de la chaleur, donc on voit cette augmentation des contenus de chaleur dans les Gulf Stream qui transportent donc un peu plus de chaleur. Et les effets dont Jean-Baptiste a discuté sont des effets un peu plus à grande échelle. Donc, c'est-à-dire ces distributions des données depuis 50 ans ne sont pas si précises pour définir des changements locaux. Il faut dire que si l'océan s'est stratifié un peu plus, ça voudra dire que, par exemple, les stockages des chaleurs, ça sera limité à les régions plus proches de la surface, donc qui sera encore une rétroaction positive, c'est-à-dire que ça va stratifier encore plus l'océan, ce qui va induire une difficulté aussi pour ce qui est vivant dans l'océan, qui utilise donc, comme le disait avant Pierre, les sels nutritives qui se retrouvent plus en profondeur, et sont les mouvements verticaux qui les amènent en surface pour qu'ensuite ils donnent comme des engrais vie à toute la chaîne alimentaire océanique. Donc ceci sera limité. Aussi l'oxygène qui est important pour la vie dans l'océan diminuera, et donc sera un impact vraiment sur la biosphère. Mais donc Pierre Testor, est-ce que aujourd'hui on a des modèles qui prévoient l'évolution à court ou à moyen terme de ce Gulf Stream dans un schéma business as usual, c'est-à-dire si les températures continuent d'augmenter, si les effets continuent dans le même sens que ce qui se passe depuis les, disons, 20-30 dernières années? Oui, il y a tout un groupe de travail international qui travaille sur le sujet. Alors, ils vont pas regarder spécifiquement le Gulf Stream, mais plutôt l'AMOC, hein, dont on parlait juste avant, donc Atlantic Meridional Returning Circulation, la circulation de retournement atlantique méridional. C'est ça, circulation donc, méridienne de renversement de l'Atlantique, oui. C'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec avec les business as usual ou des scénarios 1,5 degré, tout ça. Donc ça, c'est le GIEC, donc... Groupement international d'études du climat qui s'occupe de ça, surtout sur des modèles couplés, hein, océan et atmosphère. Et ils regardent peut-être pas finalement, peut-être de manière assez fine pour qu'on parle du Gulf Stream en résultat concret aujourd'hui, mais plutôt de l'impact sur le climat global. Et donc, cet impact, si on devait le résumer, c'est ce que disait Sabrina Spice, c'est-à-dire que c'est un impact de rétroaction positive. Alors, il ne faut pas l'entendre positive au sens que ça va faire du bien, mais positive au sens où c'est des mécanismes qui s'auto-amplifient les uns les autres. Exactement, ça s'emballe. Ça va emballer la machine. Ça veut dire, exactement. Ouais. J'ai une question peut-être, Sabrina Spice, rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, par rapport au passé, parce que juste dans le passé, on l'évoquait tout à l'heure, on estime par exemple que c'est un ralentissement du Gulf Stream qui a pu amener notamment au petit âge glaciaire en Europe entre le 15e et le 19e siècle. Est-ce qu'on sait ce qui se produirait si ce Gulf Stream justement ralentit un peu suite à ces perturbations environnementales et climatiques? Alors, donc, tout d'abord, dans les modèles sur lesquels se base les GIEC, et on voit du ralentissement de ces courants pratiquement aujourd'hui dans tous les modèles, dans toutes les simulations. Et cependant, la température moyenne de la Terre et dans les régions, notamment la plification arctique, elle continue à se produire sans aucun changement des pentes. Donc, c'est-à-dire sans effet d'amplification. C'est-à-dire ça va pas faire refroidir de manière notable les régions arctiques ou l'Europe, par exemple. Mais comme on le sait, les modèles, c'est toujours une approximation de la réalité. Donc peut-être il y a des phénomènes plus fins que nous n'arrivons pas encore à bien simuler. Mais cependant, ça donne la tendance. Et en général, les observations suivent toutes les simulations qui ont été faites du système Terre depuis que les GIEC existent. Donc, ça, le futur, on ne peut pas prédire complètement, mais ça ne semble pas d'avoir des impacts type ère glaciaire comme les films l'annoncent. Non, bien sûr, non, sans parler de ces films-là. Un mot peut-être justement là-dessus, Pierre Testor, pour conclure. Aujourd'hui, ce ralentissement du Gulf Stream ou ce changement géographique, parce que c'est ce qui est en train d'être un peu observé, quelles sont les conséquences que l'on peut en attendre? Pour les conséquences pour la population, on va dire, voilà, le Gulf Stream en lui-même ne fait partie que d'un système beaucoup plus complexe de courants, de phénomènes de formation de masse d'eau qui est global. Alors l'Atlantique, c'est l'océan le plus dynamique, on va dire, si on compare au Pacifique. Parce que il y a beaucoup de formations de masse d'eau dans cette région, et c'est ça qui va déterminer un peu les variations de ce système-là vont déterminer le climat futur. Effectivement, oui. Si il y a un arrêt complet. Des transports de chaleur dans l'océan vers le nord, on peut arriver à une ère glaciaire. Et dans les carottes qu'on a pu récolter et mesurer, on a vu effectivement que des changements très très violents étaient arrivés en quelques décennies. On est un peu au bord du précipice. C'est entendu, je suis malheureusement obligé de vous interrompre, Pierre Testor, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Sabrina Spice, Pierre Testor, d'être venus nous parler du Gulf Stream et plus généralement de la circulation océanique de l'Atlantique Nord. Un mot pour vous dire que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver aujourd'hui les idées claires consacrées aux effets secondaires de la vaccination et notamment du fameux vaccin AstraZeneca. C'est en podcast sur l'application Radio France et sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien justement, on parlera de Covid, un an après, un an de confinement, de masques, de vaccins, de reconfinement, de faux médicaments miracles, de variants. On fait le point sur cette année de pandémie avec l'un de ses observateurs, peut-être les plus affûtés, l'épidémiologiste Antoine Flahault sera notre invité demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.